deuxième signe. C'est le saint béni soit-il, faisant venir sur le monde une chaleur, du genre de celle du soleil, avec flamme et braise, et de nombreuses maladies mauvaises, et un fléau et une épidémie. Les nations du monde mourront par milliers de milliers chaque jour, et tous les impies d'Israël mourront, jusqu'à ce que les nations du monde pleurent et crient « Oï sur nous !» Allons et fuyons, et que chacun creuse sa tombe de son vivant, et demande à son âme de mourir. Et ils se cacheront dans des rochers et des pignons rocheux, pour se rafraîchir, et iront dans des grottes et des trous de poussière. Et si tu demandes comment seront sauvés les justes de la chaleur du soleil, le saint béni soit-il, leur fera de cette chaleur une source de guérison, comme il est dit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera, avec la guérison dans ses rayons. » Et Balaam prophétisa ce sujet malheur, « Qui vivra quand Dieu fera ces choses ?»